Un titre indémodable malgré les années qui passent, c'était l'excellent Chris Rea, Joséphine sur la première. On parlera de la sécurité dans les prisons, dans C'est dans l'actu avec les invités de Philippe Dornier à retrouver dans 15 minutes. Bon appétit avec Réunion Première et les midis à La Réunion. Ce n'est pas Joséphine, mais bel et bien Cécile Thomas pour l'information. Bonjour Cécile. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ils ont demandé le renvoi de leur procès pour préparer leur défense. 7 détenus de Domingo sont présentés au tribunal en comparution immédiate en ce moment. Ils sont soupçonnés d'avoir déclenché une bagarre la semaine dernière à la prison et de s'en être pris aux gardiens. Nous serons en direct de Champfleury et nous ferons le point avec Olivier de la Richaudie. Plus d'un millier de manifestants en ce moment dans les rues de Saint-Denis. Le cortège contre la loi travail a quitté le petit marché direction la préfecture. Nous retrouverons sur place en direct Johan Adamadorassi. 6 quartiers vont être rénovés dans 6 communes de La Réunion. C'est une nouvelle tranche du programme de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui doit être signée ce midi. Le directeur de cette agence est actuellement à La Réunion. Et puis nous prendrons des nouvelles des petits Saint-Josephois qui sont en métropole pour assister à l'Euro 2016. Ils ont vu Turquie-Croatie dimanche et ils ont rencontré d'autres écoliers. Nous y étions. Reportage dans ce journal. Réunion Première, Cécile Thomas. 7 détenus de la prison de Domingo devant le juge. Ils sont suspectés d'avoir participé à la bagarre générale il y a une semaine dans l'établissement. Une bagarre qualifiée de guet-apens par les syndicats de gardiens puisqu'ils avaient été pris à partie. 7 d'entre eux avaient été blessés. Hier, 11 détenus ont été entendus au commissariat de Malartic. Olivier de la Richaudie, vous êtes en direct du tribunal de Champfleury. En ce moment, ils sont 7 à être présentés en comparution immédiate. Ils ont demandé à ce que le procès soit renvoyé pour pouvoir préparer leur défense. Ah oui, Cécile, les 7 prévenus étaient unanimes, tous ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense, une enquête, une requête à laquelle ne se sont opposés ni les parties civiles, ni le procureur. La présidente du tribunal et ses assesseurs sont actuellement en train de délibérer. Les magistrats doivent se prononcer, se décider sur le délai accordé qui pourrait aller de 2 semaines pour la plupart des accusés jusqu'à 2 mois pour les 2 jeunes en état de récidive. Des individus qui se sont présentés un brin désinvolte, mais dans le plus grand des calmes. Il faut dire qu'ils étaient surveillés de près pour cette comparution immédiate, une quinzaine de policiers et quelques membres des renseignements généraux, ont été mobilisés. Voilà, Cécile, la réponse à cette demande sur ce renvoi ne devrait tomber d'une minute à l'autre, avec une audience reportée à minima au lundi 4 juillet. Pour rappel, 2 de ces 7 détenus encourent une peine de jusqu'à 10 ans de prison pour récidive de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Merci beaucoup, Olivier, pour ces précisions en direct du tribunal. La sécurité dans les prisons. On en parle juste après ce journal. Philippe Dornier revient avec ses invités. C'est dans l'actu, c'est dès midi 15. Ce mardi est une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. À La Réunion, une large intersyndicale appelait à manifester ce matin à Saint-Denis. Le rendez-vous était pris au petit marché. Un cortège doit rejoindre la préfecture. Depuis plus de 3 mois maintenant, le gouvernement et les syndicats de salariés sont lancés dans un bras de fer. Le texte qui révise le code du travail notamment est loin de faire l'unanimité. Même le MEDEF ne le soutient pas. Au niveau national, la CGT mène la fronde. Qu'en est-il chez nous? L'intersyndicale a-t-elle mobilisé ce matin? Johan Adamadorassi, vous êtes devant la préfecture où est attendu le cortège. Alors Cécile, pour avoir suivi le défilé depuis son départ du petit marché ce matin, je peux vous dire que les manifestants sont nombreux, plus nombreux qu'à la dernière manifestation contre ce projet de loi El Khomri le mois dernier. On voit beaucoup de rouge dans la foule, signe que les membres de la CGTR sont venus en masse. Dans leur bouche, une seule phrase, non à la loi El Khomri. On a bien sûr entendu les jeux de mots tels que la loi Khomri, c'est une connerie, scandée aussi par des jeunes peu nombreux, mais ils ouvrent tout de même le défilé derrière une banderole où est écrit « Les jeunes en ont passé, la précarité n'est pas un métier » et nombreux sont les manifestants qui disaient ce matin se battre pour l'avenir de leurs enfants. Au passage du défilé, les rideaux des commerçants se sont baissés à la demande des manifestants. Une façon de montrer leur solidarité au mouvement. Le défilé est presque arrivé à la préfecture. Vous pouvez peut-être les entendre, Cécile. Mais on peut dire que le 9e appel de l'intersyndicale à manifester contre la loi Khomri a été entendu. Comme le disait Magali, une manifestante que j'ai rencontrée ce matin, c'est le gouvernement qui va s'essouffler, pas nous. Merci beaucoup Johan pour ces précisions en direct de la manifestation contre la loi. Elle travaille à Saint-Denis, plus d'un millier de manifestants à Saint-Denis ce matin, en tête de cortège quelques jeunes, pas très nombreux, vous le disiez à l'instant Johan. Pourtant l'UNEF, principal syndicat étudiant, réclame le retrait pur et simple de la loi travail. Sa mandat Samantha Potin, pardon, est la secrétaire générale de l'UNEF à La Réunion, bien obligée d'admettre que les étudiants se mobilisent peu, mais ça s'explique, on l'écoute. C'était compliqué pour nous en fait de les rassembler jusqu'à maintenant, tout simplement parce que c'était la période des examens, la période des rattrapages, donc tout le monde était dans les révisions et dans les examens. Donc rassembler des gens à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, beaucoup d'examens sont terminés, beaucoup de rattrapages sont terminés, donc on espère vraiment une recrudescence des étudiants. Et c'est vrai que c'est un reproche que certains font aux jeunes de dire donner la priorité à ces révisions, à ces examens, ça se comprend. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas prendre des risques pour obtenir gain de cause ? Nous, on descend dans la rue, on représente les étudiants. Je pense que voilà, on n'est pas aussi nombreux qu'on pourrait l'être, mais en représentant les étudiants, je pense que c'est justement la voix des étudiants que nous l'emporte quand on va aux manifestations et lors de nos interventions. Samantha Potin, interrogée par Philippe Dornier ce matin sur Réunion Première, la représentante de l'UNEF Réunion qui estime que les étudiants ne doivent pas être pénalisés, ni ceux qui ont consacré du temps à manifester, ni ceux qui voulaient aller en cours mais qui n'ont pas pu du fait des perturbations, notamment en métropole. Ce sont des travaux qui changent la vie des habitants des quartiers, des travaux de réhabilitation, de transformation de ces lieux de vie financés par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Son directeur est en ce moment en mission dans Lille. Il doit signer d'ici quelques minutes une nouvelle tranche de travaux qui concernera 6 quartiers dans les villes de Saint-Benoît, de Saint-André, de Saint-Denis, du Port, de Saint-Louis et de Saint-Pierre. Des travaux prévus jusqu'en 2020. Hier, pour se rendre compte de la faisabilité des projets, Nicolas Grivel, le directeur de l'ANRU, était en visite dans ces quartiers. Des projets d'aménagement qui doivent respecter un cahier des charges pointilleux, notamment sur l'environnement. Le lieu est bucolique, le jardin des plantes en plein cœur de Paris. Des vestes font... On revient tout de suite pour écouter Nicolas Grivel, le directeur de l'ANRU, qui était en visite dans les quartiers qui doivent être rénovés. Bien sûr, l'environnement, beaucoup d'éléments de réussite des projets sur l'habitat, sur le cadre de vie, les équipements publics, et en même temps un cahier des charges qui ne se veut pas trop précis pour laisser la diversité des quartiers, la diversité des réponses des projets et s'adapter aux caractéristiques de chaque territoire. Tous les quartiers sont différents, toutes les villes sont différentes, et donc on a besoin de discuter avec les élus les projets pour bien les adapter. On a 5 milliards d'euros au niveau national et sur 200 quartiers prioritaires, et donc on va faire des répartitions entre les quartiers, et donc c'est en fonction des projets qu'on aura dans les 18 mois à venir une affectation des crédits au final. Nicolas Grivel, directeur de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, répondait à Suzette Emma. C'est un grand appel lancé aux donneurs de sang aujourd'hui. C'est la journée mondiale du don du sang et le rendez-vous est pris au parc des expositions à Saint-Denis tout au long de la journée. Juste avant les vacances, il est important de reconstituer les stocks. L'an dernier, environ 500 donneurs s'étaient présentés. Une vingtaine de lits de prélèvement sont installés pour recevoir ceux de cette année. Côté organisation, tout se passe bien. Petit rappel de la procédure avec Aude Letalec, le médecin responsable des prélèvements à l'établissement français. Du sang. Il faut compter environ une heure sur votre emploi du temps, sauf s'il y a énormément d'affluence d'un seul coup. Première étape, remplir un petit questionnaire de préparation à l'entretien pré-don. Ensuite, une inscription pour donner le petit dossier. Passage ensuite chez les médecins pour voir s'il n'y a aucun risque à donner. Une fois que le médecin a autorisé le don, passage au prélèvement. Prélèvement qui dure moins de 10 minutes avec l'aiguille dans le bras, hein, pas plus. Combien de personnes qui sont sur les lits de prélèvement en même temps ? Alors, en même temps, pour avoir 20 personnes... En même temps, puisqu'on a 20 lits installés. Et après, c'est la collation, c'est le meilleur moment. Aude Letalec, médecin responsable des prélèvements à l'EFS, elle répondait à Bruce Régent. C'est donc jusqu'à 17h à la Nordève à Saint-Denis aujourd'hui. On prend ce midi des nouvelles des petits réunionnais en visite en métropole à l'occasion de l'Euro de football. Ils ont assisté dimanche au match Croatie-Turquie au Parc des Princes. Une rencontre qu'ils n'oublieront pas. Hier, ces élèves de l'école Montessori de Saint-Joseph ont rencontré des élèves de la même école à Paris. Qu'ont-ils fait ? Dans le mille, ils ont joué au football, bien sûr. Martin Baumer. Le lieu est bucolique, le jardin des plantes en plein cœur de Paris. Des vestes font office de poteaux et le match est très serré, il n'y aura d'ailleurs pas de vainqueur. Peu importe, sur la pelouse, tout le monde voulait être Dimitri Payet, les jeunes réunionnais forcément. J'aurais pu s'aimer être à sa place. Ah bah il a super bien joué avec son but là, c'était super beau quoi. Comme les petites parisiennes. Il a permis à la France de gagner. Ouais, il était incroyable son but contre la Roumanie. Si les 8 jeunes Saint-Joseph-Fois sont là, c'est parce que leur école a remporté un appel à projet du ministère des Outre-mer. Daniela Frémousse, leur enseignante. On est entré dans le projet Tous Prêts, plaisir, respect, engagement, solidarité, qui font partie aussi des valeurs qu'on travaille nous à l'école Montessori. Et la séance du jour était animée par Ousmane Gangat, cadre technique à la Ligue réunionnaise de football. L'idée c'était de vraiment toucher la dimension sociale du football, plaisir de jouer, se respecter, apprendre à se connaître à travers le foot. Les vraies valeurs du football, mais aussi à travers cet échange, une ouverture vers l'extérieur. Hélène Clark est éducatrice pour la classe parisienne. Ça les ouvre au monde, comme ils ont soif de connaissances, donc ça, voilà, ça ouvre plein de possibilités qu'on n'a pas forcément à Paris. Avant de partir, en plus des Champs-Élysées, les jeunes réunionnais iront à l'Assemblée nationale, au ministère des Outre-mer et au Parc Astérix. Ils font rêver les footballeurs en herbe. Les Bleus seront de nouveau sur le terrain demain face à l'Albanie avec, c'est possible, hein, Dimitri Payet, promu meneur de jeu de l'équipe de France. Ce n'est pas impossible. Le souvenir du premier match des Bleus en ouverture de l'Euro a toujours autant de saveur avec un réunionnais au top et un but salvateur de grande beauté. Tout le monde ne parle que de lui et ses coéquipiers à l'image du milieu de terrain Moussa Sissoko l'admettent. Dimitri Payet a pris une nouvelle dimension. Concernant Dimitri, elle est aussi sur sa lancée de sa saison avec West Ham. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris une ampleur et c'est bien pour lui aussi. Et voilà, on a besoin de Dimitri Payet en forme. C'est vrai que sur le dernier match, il nous a permis de gagner les matchs à la dernière minute, comme là face à la Roumanie, face au Cameroun. C'est très bien pour nous, c'est très bien pour lui. Et j'espère qu'il nous mettra d'autres buts d'ici la fin de la compétition et surtout qu'il sera aussi performant. Moussa Sissoko, interrogé par Massiré Correa, France-Albanie, c'est demain à 23h. L'info continue, les titres de l'actu nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Les titres, Nicolas Tégard. Il s'appelle Larossi Abala, il a 25 ans, c'est ce Français qui a tué hier soir un couple de policiers dans les Yvelines, un homme abattu par les équipes du RAID, mais connu des services, vous l'entendrez. Un homme qui habitait Mantes-la-Jolie, la menace terroriste qui dans l'ensemble a poussé à l'arrestation de plus de 100 personnes depuis le début de l'année, précision de Bernard Cazeneuve ce matin. C'est la République qui est visée, réagit Nicolas Sarkozy, évoquant un attentat qui heurte nos consciences. Et puis à retenir aussi de l'actualité de ce mardi, cet appel à la mobilisation de Philippe Martinez. Le patron de la CGT promet un nombre record de manifestants contre la loi travail aujourd'hui. Le défilé s'élancera à 13h à Paris. France Info. L'info revient à 13h. Bonne journée à tous. Chloé et Philippe Dornier pour la suite. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Les objets sont parfois cachés au fond de chaussettes. Elles font une poche parfaite pour être envoyées par-dessus le mur de la prison. Des téléphones, de la drogue, toutes sortes de choses interdites sont ainsi adressées aux détenus. Plus de contrôles devaient être mis en place pour entraver ce trafic. Ça a mis le feu aux poudres à Domingos la semaine dernière. On y revient ce midi. Philippe, c'est dans l'actu. Et ça pose évidemment, Cécile, la question de la sécurité dans les prisons. Sécurité pour les détenus, pour le personnel aussi. Pour en parler, je reçois le directeur de la prison de Domingos, un responsable syndical de ce même centre pénitentiaire et puis un aumônier. 02 62 99 2000 pour toutes vos questions. Réunion première, Philippe Dornier. Point circulation sur Réunion Première avec la direction régionale des routes d'Olène sur Réunion Première. Bonjour d'Olène. Bonjour à tous. Seulement un point route plutôt positif. Donc en cette mi-journée, il n'y a pas de bouchon à vous signaler. Peut-être une circulation un peu chargée sur le boulevard sud au niveau des tranchées couvertes Mazagran-Doré. Un peu de monde également dans l'est à Saint-Benoît au niveau de Beaulieu, mais pas vraiment de gros ralentissements. Donc je vous dis bonne route et puis passez une très bonne après-midi. Les inforoutes, c'est sur Réunion Première. La météo de ce mardi après-midi, il y aura du soleil, du vent, des nuages, de la houle et aussi un peu de pluie. Sur Saint-Denis en ce moment, il y a du soleil, 27 degrés, avec un vent de nord-ouest qui souffle aux alentours de 20 km/h. Dans l'est, quelques rares averses avec beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 60 km/h, 24 degrés sur Saint-André en ce moment. À Sainte-Rose, quelques averses avec du vent également, 25 degrés sur Sainte-Rose actuellement, 13 degrés au gîte de Bellecombe et dans le sud sauvage. Le ciel est plutôt nuageux, avec quelques pluies aussi et avec du vent sur Saint-Joseph, actuellement 26 degrés. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première, à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île. Avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Samedi 18 juin à Petite-Île, les agrumes font une escale en musique au pays du terroir. Dès 9h, découvrez les produits de nos agriculteurs et de nos artisans sur un marché haut en couleurs. Profitez du stand tourisme de Destination Sud Réunion et de visites guidées gratuites. Le 18 juin, le plein de vitamines, c'est à Petite-Île, où ça nous ça va en concert à 20h30. Plus d'infos sur www.sud.réunion.fr. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses longtemps seront à l'honneur. Quadri, Sega, Polka, Vals, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Il est 12h16, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Aujourd'hui, la sécurité dans les prisons. Du Zamal, des médicaments, de l'alcool, mais aussi des téléphones portables. On trouve de tout dans les colis qui atterrissent dans les cours de la prison de Domingueau. Des colis envoyés par-dessus les murs d'enceinte. De quoi rendre certains détenus très agressifs avec tous les risques que ça peut comporter. Ils se bagarrent entre eux quand ils ne s'en prennent pas directement aux surveillants. C'est ce qui s'est passé mardi dernier. Et le procès des fauteurs de troubles se tient en ce moment même. Ils sont 7 au total à être jugés au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Les gardiens de prison eux, réclament le transfert de ces prisonniers ailleurs qu'à Domingueau, voire même hors département. Les éloignés va-t-il régler le problème ? Quelles sanctions disciplinaires ? Comment empêcher la drogue d'arriver entre les mains des détenus ? Quelles sont les conséquences de ces colis sur le comportement des prisonniers ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et vous pouvez poser vos questions au 02 62 99 2000, par texto également au 06 92 608 335. Et puis il y a les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu et le hashtag CDLA Première pour Twitter. Nos trois invités ce midi, Georges Casagrande, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis, donc à Domingueau. Vincent Pardoux, secrétaire adjoint de FO Pénitentiaire à Domingueau également, bonjour. Bonjour. Et Adjam Hakoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier national du culte musulman. Régional, pardon. Régional du culte musulman à la prison de Domingueau. Qu'est-ce qui s'est passé finalement mardi dernier ? On va partir de là, de cette histoire. Il y a eu un premier article de presse dans le GIR, pour ne pas le citer, le lundi 6 juin, où vous dénonciez, Vincent Pardoux, ce qui se passait à la prison, au centre pénitentiaire de Saint-Denis. Et puis, il y a eu cet événement le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, déjà, la veille, c'est vrai qu'on avait commencé à tirer la sonnette d'alarme pour le syndicat Force Ouvrière Pénitentiaire au regard des montées de tensions qu'on pouvait remarquer au sein de l'établissement. Bien entendu, on n'imaginait pas que le jour même, il y allait avoir ce déchaînement, le lendemain, ce déchaînement de violence. Mais nous étions inquiets parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des bagarres beaucoup plus importantes, que la tension avec les personnels augmentait déjà. Et puis, on avait ce problème qui devenait récurrent de projection, ce que tout le monde appelle maintenant le colis, les projections de l'extérieur de l'établissement vers l'intérieur. Alors voilà. On parle de colis effectivement, est-ce que ça ressemble à un colis comme on l'entend, comme on en envoie en métropole ou ailleurs ? Oui, sans rentrer trop dans les détails, mais bon, c'est quelque chose qui est étudié pour atterrir à l'endroit où on veut, sans que ça soit cassé et que ça reste en bon état. Donc voilà, je vais pas trahir des secrets autres que ça, si ce n'est que ouais, tout est fait, en fait, c'est empaqueté de telle manière à ce que la livraison se fasse dans les meilleures dispositions et que la personne qui reçoit ses colis puisse s'en servir. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre le coup de gueule que vous avez poussé dans les colonnes du GIR lundi et puis l'événement du lendemain ? Non, je pense pas forcément. Moi, je pense que on en parlera tout à l'heure, je pense, mais les violences au sein des prisons n'est pas liée que au niveau des colis. Je veux dire, très honnêtement, et notre organisation syndicale, d'une manière générale, au niveau national, dénonce depuis des années une certaine casse de la politique pénitentiaire qui est faite par notre gouvernement, notamment avec le fameux article 57 qui a été la suppression systématique des fouilles à l'issue des parloirs. Je pense que les problèmes aussi sont liés également à ces problématiques-là, au-delà des problèmes de colis. Il y a toute une chose de décisions qui ont été prises, un peu à l'encontre des personnels, et on peut dire une politique peut-être un peu pro-détenue. Alors on y reviendra tout à l'heure, peut-être rester dans un premier temps sur ces événements. Ce que dénonce le syndicat Force Ouvrière, Georges Casagrande, vous qui êtes donc directeur de Domingo, est-ce que ça vous a surpris et est-ce que vous vous attendiez finalement à ce qui s'est passé mardi dernier ? Absolument pas. Ce qui s'est passé en fait, c'est quelque chose de tout à fait imprévisible, et si nous avions pu prévoir un tel incident, il est évident en fait que les personnels ne se seraient pas mis en insécurité. On a assisté en fait à un changement complet du comportement des personnes détenues depuis quelques temps, et effectivement, comme le disait M. Pardou juste à l'instant, les colis que nous recevons parfois dans la journée sur les cours de promenade n'y sont pas pour rien. À savoir que ces colis sont confectionnés de telle sorte qu'en fait ils puissent contenir des produits illicites tels que l'alcool, tels que de la drogue, des téléphones portables, enfin bon, toute une série d'objets et de produits qui sont, je dirais, totalement interdits dans les établissements pénitentiaires. Et tout cela, ça fait l'objet de trafic à l'intérieur donc de l'établissement pénitentiaire entre les personnes détenues elles-mêmes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces produits peuvent arriver. On imagine une prison avec un mur d'enceinte infranchissable, et là, on se rend compte que n'importe qui, finalement, peut arriver au pied d'un mur et lancer ça. Comment c'est possible ? Alors, en fait, il faut savoir que nous avons, nous, encore la chance d'avoir un glacis qui nous permet, en fait, d'avoir, je dirais, une distance entre le domaine public et les murs de l'établissement. Vous appelez ça un glacis, c'est ça ? On appelle ça un glacis, oui, tout à fait. Et donc, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble, en fait, ni plus ni moins à une zone qui est en fait neutre, qui permet en fin de compte de sécuriser en partie la périphérie de l'établissement. Voilà. D'accord. Alors ça existe au niveau de l'établissement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon nombre d'établissements pénitentiaires ne connaissent pas en fait ce type de dispositif et ont des murs qui donnent directement sur la rue. Exemple d'ailleurs, l'ancienne prison Juliette Daudu, ou même, je dirais, la maison d'arrêt de Saint-Pierre, qui effectivement donne directement sur la rue, et qui a connu d'ailleurs, et qui connaît malheureusement aussi, un certain nombre de projections, comme bon nombre d'établissements pénitentiaires de manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces colis, en fait, non seulement en fait, sont projetés par-dessus donc les murs, mais ensuite sont, je dirais, font l'objet de trafic. Et c'est ces trafics qui, je dirais, impliquent des tensions entre les personnes détenues. Ceci dit, ce n'est pas la seule chose. Il faut dire qu'en fait, le personnel pénitentiaire qui fait son travail de contrôle et de sécurité à l'intérieur donc des établissements pénitentiaires perturbe ces trafics à l'intérieur de l'établissement. Et bien souvent, les trouvailles que nous sommes enclins à faire suscitent la réprobation, bien sûr, de la population pénale, et parfois amène un certain nombre de détenus à être particulièrement, disons, agressifs ou en vouloir, je dirais, au personnel pénitentiaire. Voilà. Adjama Koun, qu'est-ce que vous observez, vous, dans ce contexte tendu ? Je rappelle, vous êtes aumônier du culte musulman. Exact. Voilà. Est-ce que vous l'observez ? Écoutez, je suis particulièrement attristé parce que je pense que, quand même, la prison de Manjo, pour moi, a toujours été un modèle. C'est une prison qui date de 2008, il faut le rappeler, exactement. Elle a 6 ans. Exact. Vous savez, moi je suis aumônier depuis une trentaine d'années. Alors j'ai connu la prison Juliette Daudu, Donc 8 ans, oui. 2008, 2016, ça fait 8 ans. Donc, ce qui fait que moi, donc cette prison, pour moi, bon, on a la chance d'avoir une coopération très intéressante donc avec la direction, le personnel du pénitencier, enfin de Domaggio, et cela m'attriste profondément. Ce qui est très important pour moi, c'est que dans mon groupe notamment, bon, il n'y a personne de mon groupe, Dieu merci. Nous sommes actuellement en période de Ramadan, et juste avant le Ramadan, j'insiste particulièrement pour que l'attitude de nos détenus soit respectueuse envers le personnel, envers tout le monde, parce que le Ramadan est une période quand même très importante, donc où on doit faire donc beaucoup plus de concentration, de médiation, de prière, aussi bien pour la paix dans le monde, aussi bien pour les plus démunis, aussi bien pour la sérénité et la chance qu'on a de vivre à La Réunion. Donc je fais tout pour que le détenu en question, et si vous voulez, il a une attitude très correcte, de manière à ce qu'il fait sa peine normalement, s'il peut bénéficier de quelques mois pour une bonne attitude, donc tant mieux pour lui. Donc là-dessus, j'insiste particulièrement. Mais en gros, je suis attristé profondément par ce qui s'est passé, parce que vraiment, ça tombe très mal, sincèrement. Et vous sentez que ça crée des tensions également? Absolument. Donc dans mon groupe, bon, j'ai essayé de calmer les choses. Eux-mêmes, ils sont un peu perturbés, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc j'ai insisté encore beaucoup plus, et je pense que nous, on a un rôle très important. Dans l'actu, ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat, 02 62 99 2000. Et une inforoute avant de reprendre le débat. La direction régionale des routes nous signale qu'il y a cette manifestation, bien sûr, contre la loi travail au Barachois. La direction régionale des routes conseille aux automobilistes d'emprunter le boulevard sud pour éviter ce secteur. Pas de précision sur un éventuel envahissement de la chaussée par des manifestants. C'est ce qui se produit parfois, mais en tout cas, le conseil, c'est évidemment d'éviter ce secteur pour une circulation plus fluide. On revient sur ce débat, donc sur la sécurité dans les prisons. On le disait, Domaggio, c'est une prison qui a seulement 8 ans. Est-ce que vous pensez que tout a été prévu, Vincent Pardoux, pour contrer ce genre de problème dès le départ? Alors, je suis assez bien placé pour en parler, dans la mesure où ça fait 9 ans que je suis à La Réunion. J'ai fait participer à la fermeture de l'ancienne maison d'arrêt. J'ai travaillé un an à la maison d'arrêt de Saint-Denis, Juliette Dodu en fait. Et j'ai fait l'ouverture depuis 8 ans de cette nouvelle établissement. Vous avez vu une amélioration quand même? Mais complètement, mais il faut savoir qu'à l'ouverture, et je pense que c'était une volonté de notre administration, tout était fait pour que ça fonctionne, notamment en termes d'organigramme, on va en reparler, en termes de moyens également, et il s'avère qu'on a ouvert dans de très bonnes conditions, avec, je dirais, des conditions de travail assez optimales, et c'est de là d'ailleurs qu'on a réussi à mettre pas mal de choses en place, notamment depuis ces 8 ans. D'ailleurs, cet établissement est souvent cité comme établissement pilote, hein, pour plein de... Au niveau national ? Oui, tout à fait, c'est un fleuron, on peut dire, de l'administration pénitentiaire. Les visites régulières de nos ministres en témoignent, la récente commission d'évaluation qui a eu lieu, on retire ses côtés positifs. Donc, il est clair que les conditions de travail sont correctes. Le problème ne vient pas de là. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, il est clair que déjà au niveau de l'organigramme, chaque année, on perd un peu plus d'agents. Déjà, par rapport à l'ouverture. Des postes, à l'heure actuelle, à peu près 11 postes qui n'ont pas été remplacés, des départs à la retraite. Donc déjà, en termes de conditions de travail, elles n'évoluent pas dans le bon sens. Quand vous perdez des effectifs pour faire le même travail, c'est déjà plus compliqué. Même en termes de dotation de l'État, il faut dire que le budget de l'établissement, c'est un peu comme ce que vivent, je dirais, toutes les administrations. Il n'est pas en évolution, il est plus en chute depuis ces dernières années. Donc est-ce que tout ça réuni fait que... c'est pas forcément la cause des problèmes qu'il y a eu mardi, mais en partie, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là, en fait. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que disait Vincent Pardoux à l'instant, donc des postes supprimés, puis ce que vous disiez également, M. Pardoux, sur la suppression des fouilles. Tout à l'heure, vous le disiez, suppression des fouilles à l'issue des parloirs. Chronologiquement, c'était donc la suppression des fouilles à l'issue des parloirs qui a été évoquée en premier. Sur ce point-là, c'est définitif. Georges Casagrande. Actuellement, en fait, nous sommes dans l'esprit de l'article 57 de la pénitentiaire, et donc nous c'est une loi. Nous respectons Effectivement, les consignes qui nous sont données en la matière, si ces consignes évoluent, bien sûr, nous les appliquerons. Il est vrai qu'en fait, ça a suscité un certain émoi au sein des personnels quand on a appris en fait l'application de cette mesure. Pourquoi ça a été créé cette mesure ? C'est pour éviter la suspicion généralisée ? Non, c'est en fait ça a été surtout pour respecter l'intégrité physique des personnes. C'est dans ce sens en fait premier que ça a été réalisé. Est-ce que vous reconnaissez ? Voilà, vous le respectez. Mais faire. Est-ce que vous reconnaissez que le fait de ne plus faire de fouilles, ça peut engendrer des problèmes Alors, qui n'existaient pas avant ? C'est pas qu'on en fait pas. On en fait moins. On en fait d'autres un peu plus ciblés. Voilà. Ceci dit, quand vous en faites moins et que vous faites des fouilles ciblées, il peut s'avérer effectivement qu'à certains moments, certains déjouent, je dirais, les mesures de sécurité qui sont opérées par l'administration pénitentiaire. Voilà. Sur les fouilles, justement, à l'issue des parloirs à Jamakoun, les détenus se plaignaient que... Non, jamais. Non. Je parle jamais de ça. D'ailleurs, moi, c'est très strict avec moi. Je suis anti, donc je ne veux pas entendre parler de portable, de drogue, de... Je l'ai dit toujours, strictement interdit. Donc là-dessus, la question est claire, nette, précise. Donc, moi, il est hors de question. Moi, toujours, je lance toujours... Enfin, ce n'est pas que je fais de la morale, mais disons que je lance toujours le message, attention... portable, vous allez avoir des contrôles, vous allez être pris et vous allez déguster. Donc aussi. Mais est-ce qu'ils l'entendent ? On n'est pas dans un monde de bisounours. Moi, maintenant, je leur dis. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'adopter ou pas ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Voyez. Donc, par contre, si vous permettez, je voulais rajouter quelque chose à propos de ce qu'a dit notre collègue. Vincent Pardoux, donc de FO pénitentiaire. Voilà, exactement. Donc, moi, j'étais convié en mars, donc à Paris, par le ministère de l'Intérieur, donc au congrès des aumôniers. Et je peux vous dire que, bon, la Réunion, le Domingo était cité en exemple, donc en tant que modèle, donc pour. Dans toutes les prisons de France. Quoi. Voilà. Et pourtant, il y a cette situation constate. Mais je pense que Monsieur Casagrande a pris des mesures là en ce qui concerne justement cette barrière, non ? Je pense, d'après ce que j'ai compris. Oui, alors, je vous remercie de poser la question, M. Hakoun, mais c'est vrai. Enfin, c'est effectivement vrai. Tout à fait, nous avons... en fait, les projections que nous avons au-dessus du mur d'enceinte, elles sont récentes. Elle date à peu près depuis maintenant, on va dire, 2 mois et demi, 3 mois, pas plus. Donc c'est assez récent, oui. Voilà. C'est un mur d'enceinte qui fait quelle hauteur ? Qui fait à peu près 6 mètres, ouais, 6 mètres à peu près. Voilà, c'est pour qu'on se rende compte. Voilà. Quoi. Ouais, ouais. Donc, si vous voulez, sur un peu plus même. Mais bon, ceci dit, ces projections ont lieu donc de journée, et ça fait depuis peu de temps. Je pense qu'en fait, en ayant eu une réaction, notamment en fait de travaux sur le glacis de sécurisation permettant d'éviter ou de limiter, je dirais, l'approche du mur d'enceinte dans les 3 mois qui ont suivi, je dirais, les premières projections, je crois que la réaction de l'administration est bonne, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui auraient souhaité effectivement avoir ce même type de réaction, donc de sécurisation du glacis. Alors, les travaux ont commencé. Ils étaient prévus. C'était quelque chose qu'on avait pensé. Et donc, ces travaux qui ont débuté d'ailleurs, c'est un fait exprès. C'est le jour du mouvement. Ça, c'est ouais. Ils ont démarré, mais c'était prévu bien avant, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, je dirais, ça va permettre de limiter donc l'approche du mur d'enceinte et bien sûr, en fait, l'approche de certaines zones de l'établissement. Vincent Pardoux, est-ce que vous êtes satisfait par les mesures qui ont été prises ? Je sais que vous demandiez aussi des rondes de personnel en véhicule aux alentours. Oui, alors après, pour des raisons de sécurité évidentes, on ne va pas trop rentrer dans les détails de ce qui va être mis en place. Par contre, on a fait déjà répondu, Force Ouvrière a répondu par voie de presse hier, de notre satisfaction sur deux choses. Déjà sur cette réaction pénale rapide qui a eu lieu, dans la mesure où les gens sont en comparution immédiate aujourd'hui, pour des faits qui ont eu lieu mardi dernier, déjà. Et d'autre part, au niveau pénitentiaire, car on a eu une réaction aussi rapide de notre administration, dans la mesure où les personnes détenues sont passées en commission de discipline, il faut le dire également, rapidement, et qu'il y a eu une réponse à la nature et à la gravité des faits, voilà, dans un premier lieu. On va rester sur ce point-là déjà. Effectivement, ça c'est l'immédiat. Sanctions disciplinaires de quel type ? Alors, ça, pareil, c'est des peines de disciplinaire de cellules. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, que les gens sachent comment c'est puni. Ouais, ils passent en commission de discipline avec un président de commission de discipline, des assesseurs, et en fonction de la nature des faits, il y a une échelle de sanctions qui est déterminée. Il faut savoir que le détenu peut être assisté d'un avocat. Voilà, et donc c'est une procédure. Il peut faire également appel de cette décision, et en fonction de ça, il décide soit une peine de. Pas forcément une sanction, mais là, dans le cas présent, il y aura une sanction, soit une peine ce qu'on appelle disciplinaire, ferme, c'est-à-dire qu'il restera au quartier disciplinaire, alors le maximum c'est 30 jours, hein, pour des faits très graves, ou alors des peines avec sursis, ou alors des peines de confinement, enfin il y a toute une échelle de sanctions en fait. Et en l'occurrence, quelles ont été les peines les plus lourdes appliquées, Georges Casagrande Dans la mesure en fait où les faits sont établis et sont clairement identifiés, l'agression du personnel, c'est la sanction la plus grave que l'on peut avoir au sein d'un établissement pénitentiaire. Et donc en fait, ça a été la sanction la plus importante 30 jours. Qui a été donc prononcée. Et est-ce que techniquement c'est possible ? Parce qu'on a entendu dire aussi que il n'y avait pas assez de place dans le quartier disciplinaire. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il est possible qu'effectivement, à certains moments, on puisse être gêné en la matière. Dans ce cas-là, on rapporte la sanction et la sanction est effectuée à un autre moment. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sanction immédiate. Est-ce que ça peut poser problème ? Ça peut poser problème. Donc, en fait, c'est après l'individualisation que nous pratiquons pour dire, c'est un tel qui passera avant, un tel qui passera après. Et il y a aussi la possibilité de transférer éventuellement les détenus dans une des autres prisons de la Réunion. C'est une éventualité qui a été discutée. D'ailleurs, en fait, les organisations professionnelles avaient souhaité en fin de compte des transferts. Il faut savoir en fait que c'est une opération qui est en cours. On est en train d'étudier les possibilités de transfert concernant un certain nombre de détenus. Alors, excusez-moi, mais pour Force Ouvrière, c'est vrai que nous, transférer, c'est très bien, hein, c'est ce qu'on a demandé, bien sûr. Alors nous, on avait été plus loin que ça, on disait hors du département. Pourquoi hors du département ? Parce qu'on ne voulait pas impacter nos problèmes à nos autres camarades des autres établissements de La Réunion, clairement. Et ça le reporte sur d'autres, de toute façon ? Oui, tout à fait, mais peut-être hors du département, on a peut-être plus de souplesse dans certains autres départements que le nôtre à l'occurrence. Parce que si vous alliez au port ou à Saint-Pierre, Saint-Pierre a suffisamment de difficultés à l'heure actuelle. Lesquelles ? Des difficultés qu'on connaît aussi par la presse, hein, de surencombrement, de vétusté des locaux. Donc voilà. Et le port, c'est un établissement pour peine. Donc déjà, tous les détenus qui ne sont pas condamnés définitifs ne peuvent pas y aller. Donc le problème est vite réglé. Donc nous, notre objectif, c'était hors du département. Pourquoi ? Par rapport à ces problèmes-là, pour, je le répète, ne pas impacter les autres établissements de l'outre-mer, de La Réunion plus exactement, de ces problèmes-là. Et vous pensez que le comportement des détenus peut changer également en fonction de leur environnement, c'est-à-dire dans une prison où ils ne connaissent pas les autres détenus, ça peut modifier dans le bon sens Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. En tout cas, il y a une cassure nette et précise de son environnement et de ses habitudes, et peut-être du côté caïda qu'il a pu mettre en place au sein de l'établissement et de ce groupe, fameux groupe, parce que souvent, la problématique, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un système de groupe. C'est-à-dire qu'individuellement, les réactions seraient différentes. Là, on est dans un groupe, on s'identifie au groupe, et à ce moment-là, on est capable de passer à l'action et de faire des choses qu'on ne serait peut-être pas capable de faire individuellement. Voilà. Je crois que ça, c'est important, mais ça, c'est un des points. Et puis l'autre point, et moi, je le vois concrètement, hein, depuis mon expérience sur La Réunion, dans les prisons réunionnaises, il y a une évolution des mentalités des détenus qui sont au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a 8-9 ans, on a sans doute une nouvelle génération qui est arrivée. Et on peut le voir également à l'extérieur des prisons, l'incivilité qui règne. On insulte, on caillasse des pompiers, on insulte, on menace des policiers. Ça arrive aussi à La Réunion. Je pense que des fois, on l'oublie un peu. Mais ça arrive aussi à La Réunion. Des détenus plus durs à gérer ? Alors plus dur, je ne sais pas si c'est un profil plus dur ou c'est que leur mentalité a changé. Est-ce que le fait aussi de voir beaucoup de films, beaucoup de vidéos, et puis l'accès Internet à l'extérieur rapide fait que peut-être qu'ils s'identifient aussi à ce qu'ils voient dans les images. Peut-être. Adjama Koun, c'est quelque chose que vous avez vérifié, ça aussi, l'état d'esprit qui change. Il faut reconnaître que l'état d'esprit change, absolument. Hein. Moi, auparavant, c'était pas comme ça. Maintenant, les jeunes de maintenant, ils sont beaucoup plus axés sur la violence, malheureusement. Et à nous d'essayer de les contenir, mais c'est pas toujours aussi évident. et je partage pleinement donc cette réaction. Et effectivement, bon, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est pas uniquement ici à La Réunion, je pense que c'est un peu partout dans le monde. Quand on voit les oligarques, hein, qui vont sur le terrain de football pour voir un match soi-disant, je sais pas, se taper dessus, c'est inadmissible. Oui, vous rejoignez Vincent Pardoux. Ah, en fait, oui, absolument. Ce sont des phénomènes de groupe. Ah oui, ce phénomène de groupe, bon, ben effectivement, ouais, ça aussi c'est... Mais à nous d'essayer de faire de notre mieux, quoi, pour trouver des solutions, mais il n'y en a pas beaucoup de solutions. Oui, parce que la question, c'est, est-ce qu'ils vous écoutent ? Qui ils écoutent ? Est-ce qu'ils écoutent vous davantage, vous qui êtes aumônier ? Moi, l'avantage, enfin, si on peut dire, hein, je ne dis pas qu'ils m'écoutent personnellement, mais je constate des progrès. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, pendant mes gars, j'ai toujours insisté pour qu'il n'y ait pas de récidive. Donc, il y a presque plus de récidive. Donc, déjà, c'est une bonne chose pour moi. C'est important. Ça veut dire qu'il y a quand même un minimum d'écoute. Concernant mes conseils à moi, pour l'instant, ça suit. Tant que je suis là, ça suit. Et d'ailleurs, ça se confirme parce qu'ils auraient pu rentrer, parce que mes gars, ils n'étaient pas trop loin là, de la bagarre dernièrement. Ils auraient pu rentrer là-dedans. Au contraire, il y a des gars qui m'ont dit, nous, on voulait plus ou moins séparer. Bon, on n'a pas trop voulu parce que ça commençait à s'énerver très fort. Ils se sont calmés. Donc, de là à dire que vraiment, je suis... Non, je ne pourrais pas être aussi prétentieux que ça. Alors, sur ces phénomènes de groupe, Georges Casagrande, est-ce qu'à la prison de Domingo, vous avez l'impression que ça, c'est de pire en pire, quoi ? Bah, je crois qu'en fait, il y a un état d'esprit, effectivement, qui a changé, comme ça a été précédemment souligné. On a des détenus qui, effectivement, commencent à prendre conscience, en tout cas, prennent, je dirais, le pas de ce qui se passe, je dirais, en métropole à un certain moment. Cet état d'esprit se ressent sur le comportement même des personnes, mais je crois qu'en fait il faut quand même insister sur la prise des produits qui en fait rendent les gens très agressifs et donc conduisent à des comportements tels qu'on a pu le connaître la semaine dernière sur la cour de promenade. Je pense qu'en fait, si nous n'avions pas, je dirais, la consommation de tels produits, les comportements seraient quand même quelque peu différents. Phénomène de groupe, bien évidemment, c'est sociologique et donc en fait, on peut pas, je dirais, à l'encontre, un individu seul aura un comportement différent dès lors qu'en fait, il se trouvera en groupe. C'est une évidence. Mais je pense qu'en fait, tous ces produits illicites conduisent à des comportements totalement irrationnels. Et puis ça, oui. Non, il faut dire aussi qu'un détenu, donc une personne qui est enfermée pendant 22 ou 23 heures, donc tout seul ou à deux dans une cellule, à un moment donné, je dirais, pour parler poliment, il pète les plombs, quoi, quelquefois. Donc ça aussi, c'est un phénomène. Par exemple, à la prison Juliette de Dieu, à 7 heures du matin, ils étaient sur la cour jusqu'à 11 heures. L'après-midi, bon, de 3 heures jusqu'à 5h30, 6 heures. Donc, quand ils sont en groupe comme ça, ils arrivent à parler entre eux. C'est un phénomène important. Ben, c'est mon avis. Hein. Et vous dites qu'aujourd'hui, ils sont enfermés 22 à 23 heures par jour ? Oui, ça dépend. Hein. Entre 20 et 22 heures par jour, suivant les... Suivant les cas. Alors, pour renverser le raisonnement, ils sont en promenade combien d'heures par jour ? Voilà, les sorties, c'est combien ? Enfin, les sorties, les promenades, c'est combien d'heures par jour ? Il y a 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Après, il y a des activités, il y a les activités sportives, il y a l'école, il y a la formation professionnelle. Certains travaillent aux cuisines, dans des ateliers. Donc, ça réduit le temps en cellule ? Tout à fait. Alors, mais il y a des améliorations à apporter de ce côté-là ? On peut faire plus encore, leur proposer davantage d'activités ? On fait déjà pas mal de choses. Et est-ce qu'ils sont preneurs de ces activités de façon générale ? Oui, ils sont preneurs. Alors, Il y a deux facettes. Il y a le preneur, notamment pour l'activité sportive, parce que le sport est très important. L'aspect physique en prison est très important. Le culte du corps est très important. Ça, c'est un premier point. Et puis, il ne faut pas se leurrer aussi. Il y en a qui veulent aller aux activités, parce que grâce à cela, en commission application des peines, ils ont des réductions de peine. Si on va à l'école, si on va à la formation. Donc, ça permet de réduire sa peine. Mmh. Voilà. Il y a des calculs. Il y a du calcul. D'accord. Pour revenir à ce que disait Monsieur Hakoun par rapport à, et ça on l'a vu à l'ouverture de Domingo, lorsqu'on a fermé Juliette Audu, où ils étaient dans les dortoirs, hein, 5, 10. On a eu des soucis à l'ouverture. Parce là, on parlait de 2, 3 dans les cellules, oui, c'est ça justement. 1 ou 2 même. La problématique, c'est qu'ils étaient 10 par cellule. Nous, on s'est dit, super, on va ouvrir à 1 à 2 par personne. Quand c'était pas 15. Et ça a été terrible pour eux. Parce que certains ne supportaient pas de se retrouver à seul ou à 2 parce qu'ils étaient habitués à vivre en groupe. Et ce changement-là était très difficile à l'ouverture. J'ai des souvenirs, enfin des exemples qui me viennent en mémoire, qui sont assez surprenants. C'est-à-dire que l'effet qu'on n'aurait jamais pu comprendre, le fait qu'il soit 15, pour nous, c'était presque insoutenable, hein, 15 dans 10 mètres carrés, mais se retrouver tout seul dans 10 mètres carrés, ouais, ça devenait anxiogène quoi, pour certains. C'est paradoxal, ouais. Ça se traduit comment, par exemple? Par des prises de médicaments, par des idées suicidaires, par un mal-être, quoi, clairement. Alors, il y a un cas signalé dans le GIR du vendredi 10 juin d'un détenu qui a dû être ranimé par les secours après une overdose de médicaments de type Rivotril. Alors, réanimé, c'est un grand mot quand même. Je vais pas là pour faire de la surenchère. C'est un monsieur qui était inconscient et on lui a apporté des soins. Réanimé, un peu loin. Non, mais enfin, il a perdu connaissance suite à une prise de médicaments. Oui, pose un vrai problème. Tout quoi. À fait. Il a perdu connaissance suite à une absorption, ce qui est très grave. Hein. D'ailleurs, il a été resté à l'hôpital pendant plusieurs jours au regard de cette prise médicamenteuse. Donc, bien sûr, son état était inquiétant et surtout, on s'est posé la question de savoir ce qu'il avait ingéré. C'était ça la problématique. Est-ce que si on stoppe ces arrivées de ces fameux colis, on va régler une bonne partie du problème? Écoutez, le problème des colis, le problème du trafic en prison, il existe avec les colis, mais il existe de d'autres manières. Clairement, le parloir est une zone sensible de cette entrée de produits qui peuvent venir de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs un gros travail de mes collègues qui travaillent dans ce service-là, qui font un travail assez remarquable, de par leur professionnalisme, car très souvent, grâce à eux et grâce à leurs compétences, on arrive à endiguer ces problèmes. Donc souvent, au parloir, c'est régulier, bien avant les colis, que une, deux, trois fois par semaine, on faisait des saisies lors des fouilles au parloir. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que le colis. Il y a d'autres endroits où, malheureusement, ça peut rentrer. On a parlé des détenus, on n'a pas parlé des personnes qui alimentent les détenus avec ces colis. Qu'est-ce qu'elles risquent si elles se font prendre également, Georges Casagrande? Alors, ça se passe à l'extérieur de la prison, mais... Elles peuvent risquer jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, hein. Ça, il faut le savoir, avec des amendes, bien sûr, qui peuvent être appliquées. Donc, dernièrement, en fait, c'était hier, donc, quelqu'un a été surpris en tentant de pénétrer... Enfin, il avait pénétré sur le glacis et a essayé pour projeter donc des colis. Donc il va passer, là il y a une instruction qui est en cours, donc je ne me prononcerai pas, mais donc en fait il a été livré à la police en tout cas. Donc voilà quoi, quelqu'un qui se permet de faire ce type d'acte, et bien évidemment ces actes répréhensibles qui sont sanctionnés par le code pénal. D'accord. Ça, c'est le message que vous faites passer, j'imagine, aussi à Jamakouli par rapport aux... Plus que jamais maintenant. Plus que jamais, je vais insister là-dessus. Parce que je suis beaucoup en contact avec les parents, notamment des détenus, pour vraiment les mettre en garde sur tout ce qui vient de se passer, notamment. Mais même depuis avant, même quand ils sortent, généralement, je suis toujours en contact avec eux. Et ça, c'est un phénomène très, très important. Mais là, ça les fait réfléchir un peu quand même. Un mot aussi sur les téléphones portables. C'est quoi les conséquences, un détenu qui a un téléphone portable? On sait aussi qu'ils peuvent arriver jusqu'à filmer le personnel. Enfin, ça vous pose de vrais problèmes. Ah mais clairement, en termes de sécurité, alors on l'a pas encore vu, heureusement, sur notre département. Mais en métropole, c'est très régulier que des collègues soient filmés à leur insu et qu'ils soient mis sur des réseaux sociaux. Voilà, très clairement, j'ai des exemples. Bon, c'est médiatisé, hein, donc il y a pas de scoop par rapport à ça. Je crois que c'était au Ponté la dernière fois sur Avignon, où on voit des jeunes détenus en train de se filmer le surveillant à son insu. Donc ça, c'est le premier point. Après aussi, ils peuvent se servir du portable pour faire pression sur les victimes ou sur des témoins éventuels. Donc là, oui, ils passaient des coups de fil à leurs victimes. Exactement, ça c'est un autre problème. Et puis éventuellement, on peut aller plus loin pour alimenter un trafic également. J'ai besoin de ça à telle heure, balance-moi ça. Ça peut servir à ça. Et puis, également, ça peut aussi servir, dans le cas extrême, à préparer une évasion et se mettre en accord avec des gens à l'extérieur pour venir les récupérer. Donc, il est clair que le portable est un outil très dangereux au sein de nos détentions. Est-ce qu'il est possible de brouiller les communications juste à un certain niveau de l'établissement? Alors, parce qu'il ne faut pas brouiller celle du personnel ou de la direction, évidemment. Georges Casagrande, est-ce que techniquement c'est possible? Comment faire pour lutter contre ces téléphones portables en prison? Alors, justement, il y a un programme qui est en cours de brouillage des téléphones portables sur les établissements pénitentiaires, même si déjà il y a des brouilleurs dans les établissements pénitentiaires. Mais effectivement, vous avez parfaitement raison, quand on brouille un établissement, il faut éviter de brouiller l'environnement, bien sûr, de l'établissement. Ça porterait préjudice aux personnes qui sont à proximité. Donc, un programme, oui. Des brouilleurs, il en existe. Et donc, c'est quelque chose qui va sûrement être renforcé dans l'avenir. Et puis, on avait une contribution par Facebook. C'est Thierry qui nous dit: à quand un renforcement des contrôles dans les prisons afin d'éviter que ce genre de violence ne se reproduise? Bon, c'est un petit peu ce qu'on a dit, mais, oui, mais c'est quoi dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, c'est vrai que nous, on n'a pas cette chance-là au niveau de la Réunion et au niveau océan Indien d'avoir des équipes régionales d'intervention et de sécurité qui existent en métropole, donc qui sont dans les différentes directions interrégionales et qui, en cas de gros problèmes d'ordre au sein de l'établissement, peuvent venir renforcer cet établissement. Donc, c'est des gens très entraînés, grands professionnels et qui sont habitués à faire face à toutes sortes de troubles. Un peu un équivalent du GIPN dans la police pour vous présenter un peu l'équipe. Donc, on n'a pas ça dans l'océan Indien et c'est vrai que on sait, c'est un peu dans les cartons, sans sortir de secret. Peut-être qu'il y aurait un projet dans ce sens qui, à mon avis, au regard de l'évolution de la population pénale réunionnaise, et puis il ne faut pas oublier que l'océan Indien, c'est également Mayotte. Et au regard du début de surencombrement de la prison de Mayotte et des problématiques qui peuvent y avoir là-bas, je pense que ça ne serait pas inutile d'avoir une équipe départementale confrontée pour faire ces choses-là. Quoi. Des super gardiens de prison, en quelque sorte. Super, non, c'est des, pas le mot super, mais des gardiens entraînés, parce que chacun a sa place, et ça, c'est important. Et je pense que j'aimerais pouvoir vous le dire, c'est qu'on a affaire à La Réunion à des agents expérimentés, professionnels, et qui... malgré ce qui s'est passé et ce qu'ils ont reçu dans leur chair, qui ont été touchés, c'est des gens qui ont fait preuve, même le jour de l'intervention, notamment les gens présents, l'ensemble des personnels présents, et je tiens à le dire, l'ensemble des corps, tout corps confondu de l'établissement, de faire preuve d'une grande solidarité, parce qu'il faut savoir que c'est eux-mêmes, malgré les coups qu'ils recevaient, qui ont réussi à maîtriser cet incident sans que ça prenne une proportion générale à l'ensemble de l'établissement. Donc je tiens... Ça veut dire mutinerie. L'étape d'après, c'est quoi? C'est une mutinerie? Tout à fait. Et c'est pour ça que je souhaite, d'une part, leur apporter bien sûr mon soutien et surtout une grande reconnaissance, car grâce à eux, la grosse affaire n'a pas pu éclater encore dans une grosse mutinerie. Vous craignez que ça puisse arriver un jour, Georges Casagrande? Écoutez, tout peut arriver sur n'importe quelle structure. Ça, c'est, je dirais, dans n'importe quelle prison, dans n'importe quelle prison même du monde. Donc, sur ce qu'on a vécu au niveau de l'établissement, c'est quelque chose de très ponctuel. Mais, comme je vous disais, ça montre une mentalité qui a changé. Mais ça ne veut pas dire pour autant, en fin de compte, que ça a créé... il y a eu l'assentiment de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a des détenus qui ne sont pas du tout, je dirais, porté sur ce type de violence et qui même la condamne. Ah, il ne faut pas généraliser. Donc, il ne faut pas généraliser. Donc, on a vécu, je dirais, un moment difficile lié, je dirais, à un groupe de détenus, un petit groupe de détenus. Je ne dirais pas, en fin de compte, que c'est l'ensemble, en fait, de l'établissement qui était concerné. Pour moi, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça a été, je dirais, factuel. C'était pas programmé. C'est quelque chose qui est arrivé, malheureusement, parce qu'en fait, encore une fois, des gens étaient sûrement sous effet. Et donc, on provoquait cet incident. Mais à aucun moment, en fait, il y avait, je dirais, une volonté de mutinerie ou autre chose. C'était une rébellion ponctuelle de quelques individus, et je dirais même que c'est parti d'abord de peu de détenus pour qu'ensuite ça prenne sa proportion. Et si je vous entends bien, c'est une situation exceptionnelle, donc du coup vous vous dites, est-ce que c'est pas forcément nécessaire d'avoir une équipe d'élite spécialisée comme... Non, je n'ai pas dit ça. Le préconise Vincent Pardoux. Non, monsieur Dornier, je n'ai pas dit ça. Question. Du tout. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'effectivement, l'événement était moins gros qu'on puisse le penser, même si en fait, ça a été un moment qui a été dramatique parce parce qu'en fait, je dis que c'est tout à fait anormal ce qui s'est passé sur cet établissement à ce moment-là. Je dis qu'en fait, il faut des mesures de sécurité, bien évidemment. Si on peut les améliorer par des équipes type Eris, ça serait aussi certainement une chose qui serait intéressante, c'est à étudier. Mais en toute cause, je ne dirai jamais, en fin de compte, qu'il faut moins de sécurité, bien évidemment. Georges Casagrande, directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis à Domingeau, merci. Vincent Pardoux, également secrétaire adjoint de FO Pénitentiaire à Domingeau. Et puis Adjama Koun, qui est aumônier régional du culte musulman dans cet établissement pénitentiaire. Merci à tous les trois d'avoir débattu de ce sujet important, la sécurité dans les prisons. C'est dans l'actu demain, la lutte contre l'homophobie après la tuerie d'Orlando aux États-Unis dans une discothèque homosexuelle. Première. Élevée à La Réunion, c'est nourrir. Il y a des jeunes qui se font assister parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, il faut le dire. Hein. Moi, j'ai 33 ans, je n'ai pas bon choix. Que nos politiques sont encore ancrées au XXe siècle, elles ne sont pas entrées au XXIe siècle. Du lundi au vendredi, le débat. Allô Première, Claude Montané. 8h, 9h. Sur Réunion Première. Manifestation partout en France contre la loi travail. Aujourd'hui, le point sur la mobilisation. L'essentiel des manifs ont lieu cet après-midi en métropole. Ce sera avec le journal de France Info dans 5 minutes. Chloé est avec vous jusqu'à 15h. Bon après-midi. Merci Philippe Dornier. À demain sur Réunion Première. Vivre à côté où la nuit comme le jour, si on veut bien tous les jours, ensemble, moi à nous l'air, même si nous trépiche parfois, la relève encore plus fort. Cherche pas si nous n'avons pas plus défaut, même si la nappe est ce qu'il faut. Champignons, couper du bois, prendre l'air à la campagne, on se fout des horaires. comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoires. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets, il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit plutôt que rêver, je préfère pas fermer l'œil et flipper. À la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore, pour les raisons que vous savez. Il est 13h à La Réunion, voici France Info. RFI. À Paris, 9h en temps universel. Le journal, Adrien Delgrange. Bonjour Adrien. Bonjour Juan, bonjour à tous. Les titres de ce journal international du mardi 14 juin 2016. En France, tout d'abord, un couple de policiers tués hier soir à leur domicile près de Paris, dans le département des Yvelines. Une attaque meurtrière revendiquée par l'État islamique. François Hollande confirme l'acte terroriste. La toute première déclaration du chef de l'État à suivre dès le début de ce journal. Deux jours après la tuerie dans une boîte de nuit gay d'Orlando aux États-Unis, des rassemblements en hommage aux victimes ont eu lieu un peu partout dans le monde. Des voix s'élèvent également pour dénoncer cet acte, dont celle de l'imam de Floride. En France, les opposants à la loi travail descendent à nouveau dans la rue aujourd'hui. Manifestation prévue un peu partout dans le pays. Et puis, l'Euro de football au programme aujourd'hui. Autriche, Hongrie, Portugal, Islande. Cette double attaque mortelle hier soir à Magnanville, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, peu après 20h, l'assaillant a d'abord tué à coups de couteau un policier qui était en civil devant son domicile, puis il s'est retranché à l'intérieur de la maison de la victime. Les policiers du raid ont tenté à ce moment-là de négocier en vain. C'est là que l'homme aurait fait part de son appartenance à l'État islamique. Les forces d'élite sont entrées dans la maison, ont tué l'assaillant et puis ont découvert le corps sans vie de la compagne du policier, elle-même policière, et puis l'enfant du couple âgé de 3 ans a lui été retrouvé sain et sauf. Cette nuit à 2h30 du matin, via son agence de communication, l'État islamique a revendiqué l'attaque mortelle et c'est un acte terroriste. C'est ce qu'a confirmé ce matin le président français François Hollande. C'est un acte incontestablement terroriste, à la fois parce que son auteur, qui a été neutralisé grâce à l'assaut des forces de sécurité, et son auteur avait lui-même voulu que son acte puisse être reconnu comme terroriste. Et l'organisation dont il se réclamait a elle aussi revendiqué l'acte. Une pensée pour ce couple qui ne faisait que son devoir. L'homme rentrait chez lui après avoir mené ses enquêtes, fait son travail avec beaucoup de rigueur et d'exigence. Elle l'attendait parce qu'elle savait aussi ce qu'est la nécessité de protéger un pays, puisqu'elle est elle-même, elle était fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Que les forces de sécurité en France sachent bien qu'elles ont tout le soutien, toute la solidarité des pouvoirs publics. François Hollande qui réagissait à la suite du meurtre de deux policiers la nuit dernière dans la région parisienne. L'identité du terroriste a été révélée. Il s'appelle Larossi Abala. Il vivait à Mantes-la-Jolie. Cet homme de 25 ans était connu de la police et de la justice puisqu'il avait déjà été condamné en 2013 pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. Enfin, François Hollande maintient son entretien prévu cet après-midi avec le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, pour notamment parler du terrorisme international. L'imam Mohamed Mousri est une des voix musulmanes qui s'élève depuis le carnage dans une boîte de nuit gay d'Orlando. Président de la société islamique de Floride centrale, il dit depuis dimanche toute sa tristesse. D'origine syrienne, il condamne l'action de l'État islamique et cherche à apaiser la situation alors que environ 500 000 musulmans vivent en Floride. Mais ce lundi, le représentant religieux a aussi fait part des craintes de représailles sur la communauté musulmane. Nous avons constaté un nombre énorme de réactions négatives. Nous avons reçu des centaines d'appels ou des messages via les réseaux sociaux menaçant de nous tuer comme cet homme avait tué ces gens. Nous sommes en alerte maximale. J'ai parlé au shérif et au FBI. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer qu'il n'y ait plus de violence. Nous ne voulons pas donner l'opportunité à ceux qui sont haineux et veulent se venger de causer un nouveau carnage. Nous demandons à notre communauté d'éviter les déplacements inutiles jusqu'à ce que les choses se calment, particulièrement pour les femmes musulmanes qui se voilent la tête, car elles sont facilement identifiables. Nous demandons à tout un chacun de toujours faire savoir à sa famille où il se trouve. Nous avons largement augmenté la sécurité autour de nos mosquées. Nous payons aussi pour une protection policière en permanence, spécialement en cette période de Ramadan. Notre communauté a peur actuellement. L'imam Mohamed Mousri, président de la société islamique de Floride centrale, des propos traduits par Jean-Baptiste Le Tondeur et des propos recueillis par Grégoire Pourtier. Sur le plan de l'enquête, les autorités américaines privilégient la piste du tireur isolé. Il semble qu'il ait été inspiré par des sources extrémistes sur Internet, a dit Barack Obama à propos d'Omar Mateen, le tueur. Le président américain ajoute également qu'il n'y a pas de preuves qui montrent qu'un complot ait été fomenté depuis l'extérieur des États-Unis. 11h passées de 6 minutes à Paris, l'actualité sociale en France. La contestation va de nouveau gagner la rue aujourd'hui, notamment à Paris, mais aussi à Rennes, Strasbourg ou encore Montpellier. Au total, des cortèges dans une cinquantaine de villes, manifestation à l'appel de 7 syndicats, dont la CGT qui prédit une mobilisation énorme contre le projet de loi réformant le droit du travail. Olivier Besancenot du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, soutient cette mobilisation contre la loi travail. Olivier Besancenot était l'invité ce matin de Frédéric Rivière sur notre antenne. Et on a une histoire sociale qui est là pour rappeler que la rue peut gagner. Elle a gagné à plusieurs reprises, y compris au moment du contrat de première embauche. Et je rappelle que là, ça avait été voté par le Parlement. Et voté, hein, c'était même pas passé au 49-3. Donc la rue, la mobilisation, la contestation sociale, on l'appelle comme on veut, c'est un acteur politique en France. Et il faut le prendre en tant que tel, sinon on comprend rien. Et tous ceux qui depuis plus de 3 mois, parce que ça fait plus de 3 mois qu'on est debout, nuit et jour, nous répète que finalement cette mobilisation elle n'en finit pas d'en finir, se sont pris les pieds dans le tapis tout seul, puisque en réalité la mobilisation continue. Et là ce qu'on peut dire c'est que comme il y aura beaucoup de monde aujourd'hui dans la rue, le gouvernement n'aura jamais la peau de la mobilisation contre la loi travail. Ce mouvement continue. Olivier Besancenot du NPA ce matin sur RFI. En Espagne, rebelote pour de nouvelles élections législatives alors que celles du 20 décembre dernier n'ont pas permis de former un gouvernement. La campagne de ce nouveau scrutin qui n'enthousiasme pas les Espagnols vient tout juste de commencer avec l'événement le plus attendu et le plus médiatique, un débat télévisé entre les 4 principaux candidats, à savoir le socialiste Pedro Sanchez, le centriste Albert Rivera et le leader de Podemos Pablo Iglesias, sans oublier Mariano Rajoy, le conservateur du parti au pouvoir. François Musso, à Madrid, a suivi ce débat pour RFI. Gouverner la 4e puissance économique de la zone euro n'est pas chose facile. L'avoir fait au moment de nous retrouver fin 2011 avec une situation au bord de la banqueroute et au bord d'un sauvetage financier n'est pas plus facile. Gouverner n'est pas facile, nous avons dû prendre des mesures impopulaires mais nous avons sauvé l'Espagne. C'est le discours qu'a tenu durant tout le débat Mariano Rajoy, barbe grisonnante et verbe fort. qui a dû passer son temps à se défendre. C'est lui en effet qui fut la cible de presque toutes les critiques des trois autres candidats. Précarisation de l'emploi, multiplication des affaires de corruption, fraude fiscale et le fait que l'Espagne doit économiser bientôt 50 milliards d'euros à la demande de Bruxelles. Mariano Rajoy a défendu son bilan le mieux qu'il l'a pu, mais en face, les tensions aussi sont fortes. Le centriste libéral Albert Rivera a tenté de se démarquer en parlant, je cite, de régénérer la vie politique espagnole et en disant que Rajoy ne peut rester à son poste alors qu'il est lui-même impliqué dans des scandales. Mais la plus grande opposition est apparue entre les partis de gauche, entre le socialiste Sanchez et le chef de file de Podemos, Iglesias. Ce dernier, surtout, s'est montré virulent contre la réforme du travail de tendance libérale de 2012. La droite disait que la réforme du travail allait être une solution, mais elle n'a résolu ni le problème du temps de travail, ni le problème de la précarité, ni le problème de l'emploi. Iglesias, crédité de 22 à 25% des suffrages, est aujourd'hui la grande menace pour les conservateurs, mais surtout pour les socialistes, qui, pour la première fois de leur histoire, risquent fort d'être relégués à un deuxième plan. François Musso, Madrid RFI. Et puis enfin, sachez que ces nouvelles élections législatives en Espagne auront lieu dimanche 26 juin prochain. L'Euro de football en France, côté judiciaire, après les violences du week-end dernier dans la cité phocéenne, le tribunal de Marseille a prononcé 9 peines de prison ferme et une avec sursis contre 6 supporters britanniques, 3 français et 1 autrichien. Les résultats de l'Euro de foot hier, victoire des Italiens face aux Belges, 2-0, match nul un partout entre la Suède et l'Irlande. Les rencontres du jour, Autriche-Hongrie à 18h, c'est à Bordeaux, et puis Portugal-Islande à 21h à Saint-Étienne. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite, Claire Hédon pour Priorité Santé sur RFI. Bonjour à Adrien Delgrange et merci pour ces informations. Vous revenez dans 20 minutes pour un prochain point.